play a new song tonight, right now, for the first time. Primero, para la familia de Bogotá, Colombia. Feel on your own. Thank you, Bogota. All right. Assez de vendeurs. Non. Non, mais je vous fais le vent du nord des Vikings, d'Amon Amarth, que vous entendez en fond sonore. Bienvenue dans le Rock for Show. Bonsoir, mon cher Tom. Bonsoir. Et bonsoir à tous nos auditeurs. On a vu que vous étiez déjà nombreux à écouter, donc ça, c'est sympa. Vous avez vu que j'ai mis ce qu'on allait vous diffuser ce soir très tard, de plus en plus tard, car on est vraiment pris par l'actualité. Vous êtes au courant que le Rock for Show et l'animation et l'organisation du Paris Metal France Festival, c'est un peu la même chose. Et donc, ça prend énormément de temps. Voilà, donc désolé de vous donner les informations que tard le soir, mais en même temps, vous n'êtes pas rentré du boulot. Alors, vous pouvez pas toujours tout lire. Hein, vous pouvez pas lire pendant que vous êtes en voiture, n'est-ce pas, mon cher Tom ? Ils ont pas le droit. En théorie, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils ont pas le droit, normalement. Hein. Allez, ce soir, nous sommes le jeudi 3 novembre. Il y a quelques jours, c'était Halloween. J'espère que tu t'es déguisé. Remarque, t'as pas besoin, toi, de te déguiser. Hein. Tu ressembles déjà à un clown. Hein. Mets ta gueule. T'as vu ta gueule ? Remarque, il peut être clown, cuistot. Qu'est-ce qu'il peut faire encore ? Boulanger, ouais, c'est ça, on peut. qu'est-ce qu'il veut ? Elle est facile celle-là. Mais animateur radio, non, c'est pas possible. Hein. Ça, on peut, c'est pas un déguisement. J'ai déjà fait. Allez, ce soir, une émission spéciale Rock Your Brain Festival. On va vous secouer dans tous les sens avec une programmation qui, on l'espère, va vous satisfaire, va vous plaire et plein de concerts à gagner ce soir au 06 81 01 28 34. Au vu de la programmation qui a l'air quand même pas mal brutale du titre, et ça annonce un peu, on va parler, ça va être un peu de la lignée, la continue ou l'avancée même. Oui. Pour certains, groupes, c'est sympa. On va en discuter justement. Puisque ce Rock Your Brain, en fait, retrace un peu toutes les époques. Alors, il passe dans les années modernes d'aujourd'hui, quoi, de 90 à maintenant. On va vous en parler tout à l'heure. Et au milieu, on a les groupes étrangers, mais plutôt brutaux, hein, bien burnés. Et puis, la troisième partie, c'est les groupes français des années antérieures, donc on va repartir dans les années 80. Désolé, mais c'est un peu la mouvance, et puis il faut en profiter, hein, parce que tous ces groupes, comme on en discutait encore ce week-end à Douai et en Belgique, c'est peut-être maintenant qu'il faut aller voir ces groupes-là, parce qu'ils en ont peut-être plus pour très longtemps à être productifs. Je dis pas qu'ils en ont plus pour longtemps à vivre, non, mais à être productifs, donc allez les voir maintenant. Ce que vous avez entendu en ouverture d'émission, quelque chose que tout le monde attend d'oreilles bien ouvertes, bien fermes en tout cas, c'est le nouveau Metallica, sauf que là c'est tiré d'un live qui a eu lieu récemment, hein, c'était où, tu sais, mon cher Tom ? Non, je ne sais pas, Bogota en Colombie. Bogota en Colombie, voilà. Hein. Je suis de regarder les conducteurs, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est pour ça. Non, je te jure que merde. C'est pour te faire participer en même temps. Hein. Et le titre s'appelle comment ? Le titre, Atlas Rise. Atlas Rise. Donc c'était du live, bien entendu. Atlas comme l'Atlas. Oui, pas comme Atlas. L'Atlas. Non, hein, pas Atlas. Non, pas Atlas, mais Atlas. Comme le... C'était quoi celui-là ? Comme moi. C'était un dieu, alors, le dieu Atlas, il me semble, qui portait le monde sur ses épaules. Oui, l'Atlas et le monde aussi. Hein, il me semble. Voilà, donc cet album, normalement, devrait sortir le 18 novembre 2016, selon toute vraisemblance. Il s'appelle Hardwired to Self-Destruct. Il comportera à peu près 12 titres. Et apparemment, Metallica aurait la ferme intention de faire un clip par morceau. Donc 12 clips Hein, on verra ça. Ça va être beau. Ça va être beau. Ouais. Mais après, c'est bon, c'est Metallica, mais c'est un budget, quoi. Puis une musique puis... Ah non, si, alors, elle tourne. Elle revient. D'accord, elle va le revenir. Donc, Amon Amarth, puisque c'est d'Amon Amarth qu'il s'agit en fond sonore, eh bien, pourquoi on ne voulait pas? Bah, tout simplement parce qu'ils seront en concert le 7. Le 7, c'est quand? C'est chaud, 7, déjà. Hein, c'est chaud, 7, hein, ouais, c'est chaud, 7. Ouais. Le 7, c'est donc ouais, c'est lundi, lundi. Hein, le 7 c'est lundi et ils seront au Casino de Paris. Alors c'est bien d'avoir des métalleux burnés comme ça au Casino de Paris, mais ils seront pas tout seuls. Il y aura également Testament et Grand Magus, donc une très très très belle affiche à aller voir lundi soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, on va passer à la suite de la programmation musicale. Alors, beaucoup de dates de concerts à annoncer ce soir. Donc, c'est des nouveautés de l'année, mais ce ne sont pas des nouveautés du moment hein, qu'on vous passe. Donc, ce soir, on va passer. On peut pas être parfait partout, hein, parce que des fois, on a des nouveautés 3 mois avant qu'elles sortent. Là, on les a 3 mois après. Peut-être pas 3 mois après, mais D-Lane, par exemple, il est sorti au mois d'août. Donc oui, si, t'as raison, ça fait à peu près 26 août, donc ça fait à peu près 3 mois. Ouais. D-Lane qui nous avait sorti un magnifique album, moi j'ai bien aimé, qui s'appelait Moon Bathers. Ah, c'est les bains de, c'est ceux qui prennent les bains de minuit, je crois. Hein, des bains de lune. Des bains de lune. Ouais, ça fait des bains de minuit. Ça ou alors ils montent leur lune dans un bain, enfin je sais pas, un truc comme ça. Non mais tu fais ce que tu veux après avec ta lune. Hein. Et le titre que l'on passe. Pendulum. Ouais, Pendulum. Hein. Alors l'album est sorti comme je vous le disais le 26-8 chez Napalm Records et le groupe sera également en concert. Ils nous viennent du Pays-Bas. Ils nous font un heavy symphonique de fort belle facture, ma foi. Au départ, j'étais un peu suspicieux sur le groupe en me disant il y en a déjà plein qui nous viennent des Pays-Bas et qui savent faire. Il y a Epica, il y a Within Temptation et puis il y a D-Lane qui s'est formé donc en 2002. Voilà, et ils seront en concert, mais là c'est toi qui dois avoir les dates de concert, je pense, sur ta petite liste de concerts, mon cher Tom. Oui, j'ai ma liste de concerts. Donc, après, j'ai cherché un peu partout. Je sais pas si je l'ai marqué. Si, le 4 novembre, voilà. C'est-à-dire demain. À 19h, et c'est. J'ai pas le lieu de concert, vous cherchez. T'as pas lieu? Non, j'ai pas de lieu. Bah, cherchez. Cherchez. Donc, avec Evergrey et Cobra. Je c'est pas le Divan du Monde. Bah, 06 81 01 28 34, j'ai envie de dire. Et si c'est le Divan du Monde, bah, on vous offre une place. Hein si c'est le divan du monde. Si c'est le divan du monde, ouais, parce que si c'est pas. Mais je crois pas que ce soit le divan du monde, je sais pas. Hein, vous, à vous de chercher. D-Lane, où a lieu le concert de demain. Et puis surtout, je crois qu'ils sont pas tout seuls, mon cher Tom. Ils non, que je viens de l'annoncer, mais t'as pas dû entendre. Ah, d'accord. J'ai dit Evergrey oui. Et Cobra and the Lotus. Cobra and the Lotus, qui est un groupe canadien. Donc ça nous permet de saluer nos amis canadiens, ouais. Eric et puis Hugo. Hugo, il aime bien qu'on le salue, hein, Hugo. Hugo Fraser. Ouais, Hugo Fraser. Hugo Fraser. Il est dans le Fraser, Hugo. Bon voilà, Hugo, on t'a salué. Hein, j'espère que tu écoutes. John Asher. Comment? John Asher. Et John Asher, oui, effectivement, Asher. Qui nous envoie beaucoup de groupes canadiens. En ce moment, je le déçois un petit peu, parce que bon, la semaine dernière, on a passé un groupe canadien. Mais cette semaine, encore une fois, avec toute la programmation que l'on a, ben, difficile de passer des groupes canadiens. Mais par contre, on va vous passer un groupe norvégien qui s'appelle Enslaved, bien ouais, évidemment. Et petit, on recule un petit peu. Au passage, je vais vous décevoir, vous n'aurez pas de place pour D-Lane. Et pas? C'était où? Non, c'est où. C'est où? C'était déjà, c'est pas possible. Non, mais c'est où? C'est à l'Élysée Montmartre. Ah ouais, non, je sais pas encore. On n'a pas encore passé de deal avec l'Élysée Montmartre. Donc voilà, puis j'ai envie de vous dire, allez au concert, dépensez vos sous. Enfin non, économisez-les, c'est vrai, je vais essayer de vous en faire gagner plein. Vous les économisez pour les dépenser au Paris Metal France Festival qui aura lieu le 6, 7 et 8 janvier avec une affiche. La billetterie est ouverte. Oui. Enfin, pour le pass 3 jours, elle est ouverte. Et à partir de cette nuit, logiquement, elle devrait être ouverte pour les passes, enfin pour les places à la journée. Et on passe par Big Cartel, le Big Cartel d'ADX Music. Okay. Attention, hein, ce n'est pas dans la caisse d'ADX que ça rentre, mais dans la caisse d'ADX Music, qui est une association à but non lucratif, bien évidemment, et qui récolte les fonds pour justement organiser des concerts et des festivals. Voilà. Okay. Donc nous allons enchaîner, comme je vous le disais, avec un autre groupe en concert, mon cher Tom. Comme ça, ça te permet de trouver où ils sont en concert. Ah ouais. C'est le groupe Enslaved, les Norvégiens, qui se sont formés un jour, hein, Elle est pas mal celle-là. Ah, ils se sont formés un jour pour nous ravir. Et puis ils se sont formés à 1991. Ils nous ont sorti un magnifique album qui s'appelle The Sleeping Gods Form. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, alors attention, parce que normalement c'est tout en norvégien, mais là ça s'appelle I'm Vegan. Et ça, je ne pense pas que ça soit I'm Vegan. Je pense que ça ressemble beaucoup plus à de l'allemand, mais bon, pourquoi pas. Ça y ressemble beaucoup, mais en même temps, après, c'est du langage du Nord. Ouais. Alors, l'album, quand même, il ne sortira que le 11 novembre. Donc, une petite exclue ce soir, mon petit. Oui, et puis vous pourrez les avoir aussi en exclu demain. Oui, au concert. Oui, parce qu'ils sont en concert. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous pouvez c'est le divan du monde. 06 80 01 28 34, c'est au divan du monde et c'est à partir de 18h30. 75 rue des Martyrs, et puis sinon, bah, l'entrée c'est 28,60€. Voilà, alors faut nous donner la nationalité du groupe Enslaved et puis sa date de formation. Oh, simple, hein. Et c'est sorti chez Bain North Music. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ils nous viennent de Bergen en Norvège. Et puis bah, pour le reste, vous irez les voir demain, vous leur poserez toutes les questions que vous voulez savoir sur. Sur plein de choses, hein, n'est-ce pas? Notamment sur la signification de leurs morceaux, puisque tout est en norvégien. Nous enchaînons ensuite avec les Allemands. Oui, Jahrfold, un très très bon groupe qui s'appelle Kissing Dynamite, Jahrfold, quand il met les doigts dans la prise, c'est ça? Hein, oui, Jahrfold, Alors, les morceaux qui s'appellent, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Under Friendly Fire, hein, sous le feu des amis, le feu amical, je crois, ça veut dire, c'est ça? Jahrfold. L'album s'appelle Generation Goodbye. Moi aussi, je vais faire Goodbye. Auf Wiedersehen. Generation Auf Wiedersehen. Yeah. Auf Wiedersehen. Et le groupe s'est formé en 2007, bien évidemment. Et ils nous font du heavy metal moderne. Et ils seront aussi en concert. Mais décidément, ils sont tous en concert, ces groupes-là. Ils seront en concert à Paris, bien évidemment, au O'Sullivan's. Et c'est samedi. By the Mill. Samedi. Pour un petit 21€. C'est ça, une petite 20 €. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec le café. Qualité filtre. C'est ça? Non? 4e étage, 5e étage ou presque, et il saute. C'est du café à les mains, c'est Maxwell. Maxwell, qualité filtre, Ça, c'est de la qualité à les mains, c'est et solide. Moi, j'ai envie de te dire, ils vont jouer pour le Téléthon, peut-être. Peut-être, ouais. Bon, allez. Parce que le label, c'est AFM. Hein. C'est juste AFM, oui. Alors, on va vous récapituler, hein, parce qu'on dit beaucoup de conneries sur tout homme. Non, c'est pas ça? C'est pas ça? Ah bon, c'est pas. C'est qu'est-ce qu'il faut pas entendre quelques bruits, justement, tiens? Alors, Dylan, on commence avec Dylan, on continuera avec Enslaved, et on terminera avec Kissing Dynamite! Et 06 80 01 28 34 pour gagner vos places pour. Eh ben, c'est Enslaved, nationalité plus date de naissance de la formation du groupe. Musique? C'est parti! We'll be right back. världen. Men bryta av en jävlar sol i mitt kram och brande. Blåa ögon, ögonblåa. Om jag skulle tänkt en kraft som ser av egen. Mot en av allt var kvar. Min last rång ut. Den rastlösa ser ögonblick. Skrik av att döda till. Den tösa ser en levetid. En del av det hela. I'm shots are fired. Who wants to be the next to die? It won't be me. You'll hear my battle cry. I'm the friendly. I'm the friendly. I'm the friendly. Becomes a roaring today. I'm the friendly. I'm the friendly. I'm the friendly. Better get ready to fight. Retour dans les studios au son de MF Crew, Motherfucker Crew, qui seront en concert le 5, mon cher Tom Earthwatch. Oui. Le 5, ouais. À Paris. Le 5. Au Gibus Café. Paris, mais moi je dis rien, le 5. Avec Jim, ah, si. Plus The Defibrillators. Ah, oui. Ouais, le Gibus Café fait entrée payante ce soir-là, 6 euros. Ouais, faut, ils font de plus en plus entrée payante maintenant. Ah ouais, ouais je oui, sais oui. pas. Donc MF Crew, on vous les passe parce que c'est des amis, parce que surtout ils seront au Paris Metal France Festival. Ils y seront le, si mes souvenirs sont bons, on a les affiches là quelque part. Non, ce sera le 8, pas, je pense que ce sera le 8, le dimanche 8, sur la petite scène du plan Harris Orangis, dans le 91, ne les ratez pas. Car ça, ça a été vraiment notre coup de cœur de l'année dernière, hein, les MF Crew, et surtout ils vont sortir un album. Ils avaient sorti un EP, et maintenant ils vont nous sortir un album. Ouais, c'est en session d'enregistrement depuis quelques semaines. Ouais, ils sont ouais. Mais là, c'est une, là, ils font une espèce de. Bah, c'est une release party, je sais pas, il me semble, au Gibus Café, je sais plus. Il me semble, je suis pas persuadé. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils vont certainement vous présenter des nouveaux morceaux. Nous, on a craqué au Rock for Show, on les a aimés, et on vous les avait fait jouer en live acoustique, rappelez-vous, souvenez-vous. Que vous avez pu entendre la semaine dernière si vous êtes connecté un peu ah avant oui, l'émission. Oui, oui, oui, c'est vrai, tu l'avais passé en début d'émission avant la connexion. Avant l'émission. Exact. Il est 20h passé de 6 minutes ici en France. Il est donc moins 5h. Oui, parce qu'ils n'ont pas encore changé d'heure, les caribous. Ouais, les caribous n'ont pas changé d'heure. Donc ça veut dire qu'il est 15h. C'est ça ? Bah oui, 15 plus 5, 20. C'est ça. Donc il est 15h, 7 minutes chez eux. Ils, voilà. Ils changent d'heure ce week-end. Ce week-end ? Bon. Ben, dormez une heure de plus. Ils sont toujours les caribous. En retard, ils font jamais comme les autres, les Américains. Mais ouais, c'est dingue ça. Allez, on va passer maintenant à l'affiche du Rock Your Brain Festival qui se déroule à Célestat. Célestat, c'est où, mon cher ? C'est dans les Vosges, me semble-t-il. J'ai une petite remarque à faire, oui. Mon fils. Oui. Le oui. concert oui. De samedi, là, qu'on vient oui. de parler avec la MF Crew. Oui. Il n'aurait pas changé de lieu par hasard ? Ah, peut-être, peut-être éventuellement. Tu as des infos, toi. Je vois que tu dois être à la page. Ouais, alors, il serait où ? Au Dr. Feelgood ? Voilà. Hein ? Voilà. Ce sera au Dr. Feelgood, donc. Oui. Et non plus au Gibus. Parce que sur Sueur de Métal, il est toujours stipulé non. au Gibus machin. Hein ? Non, il est. Il est au Dr. Feelgood. C'est ce que je me disais. Parce que je pense que tu es en relation directe avec Dieu. Pour non, le savoir. Non, je non suis en relation directe avec la page Facebook du groupe. Ah, d'accord. Tout simplement. Donc ce n'est pas au Gibus, mais c'est au Dr. Feelgood. Ouais, j'avais cru voir passer l'info et c'est pour ça que quand tu me disais. Ouais, puis chercher. Hein. Tu t'es dit, j'arrive pas à trouver la date parce qu'il n'est pas dans le bon lieu. Filou est encore non, à ça, l'ouest. Ça ah non, fait, à l'est. MF Rouge, Gibus Café. Ouais, ça sonnait pas, ça sonnait pas bien. 5, j'ai fait là, j'ai fait les 4, là, ils vont pas ensemble. Ouais, ça sonnait pas bien. Ça tourne pas rond, ce veut ça très bute, bien. Ça bute dans les angles. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, on va vous parler du Rock Your Brain Festival. Et alors là, mon gars, ton cerveau, il va chauffer. Ouais, c'est il pas grave, va là, je me chauffe. Tu sens, tu comprends. Alors, dis-moi, non, où est Célestat ? Célestat, c'est dans les Vosges, 88. Oula, là, tu vas loin, là. Bah, non, dans les Vosges, je vais. Pas plus loin que ça. Ah, c'est loin, quand juste là. Et le festival commencera tu donc. Tu vas loin et tu vas haut, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus. Vers l'est ? Plus loin, vers l'est. Bon, d'accord. Tom, On va y aller ? J'y vais. On est déjà parti. Au revoir. Allez, dans les Vosges, donc, Célesta, 3 jours de festival non-stop, vraiment de la balle atomique. L'affiche commence donc le vendredi 4 novembre, c'est-à-dire demain, avec une affiche très brutal metal. Puisque nous allons commencer avec un groupe qui s'appelle Crusher, qui nous vient de Mulhouse, en Alsace. Donc, on va dire que c'est les régionaux de l'étape, hein, s'ils n'ont pas très très loin. Et ils nous font du death metal. Ils se sont formés en 1991 et ils seront sur la même affiche que Dagoba, Loadblast, Black Bombay et Post Mortem. Voilà. Et donc, c'est vendredi. C'est vendredi, demain. Hein, demain. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On peut vous faire gagner des places au 06 81. 01 28 34 06 80 01 28 34. Voilà. Genre là, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens qui nous écoutent ou, oui. ou autres que Paris, mais oui. pas forcément dans oui. les Alpes-de-France. Oui. Genre ils peuvent aller demain là, ils disent ouais, c'est on va en Alsace. Ouais, ils peuvent. Vin blanc et tout offert. Ouais, vin blanc et tout offert. Ah, c'est que je suis comme ça. C'est le rock, c'est fort, c'est chaud, c'est le rock fort chaud. Fondue alsacienne. Tout non, le vin chaud. Fondue alsacienne, non. Y a pas de fondue en Alsace. C'est de la choucroute, mon cher. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Je te demande une fondue alsacienne. Bon, la choucroute, c'est allez, un peu plus tard. On arrête de raconter notre vie parce que les gens s'en foutent, mais royalement. Et on va vous parler de la suite de la programmation. Donc, après Crusher, on vous diffusera nos... Enfin, ils sont parisiens maintenant, ils étaient de Lille, mais les Loadblast. Ceux qui roulent dans un camion qui avance pas. Qui avance pas et qui est jaune. Tu sais, c'était le sous-marin jaune, hein, les Beatles. Et ben Loadblast a le camion jaune qui n'avance pas et qui est en panne. Alors on espère quand même que pour aller dans les Vosges, ils vont changer de camion, hein, les Loadblast. Parce que nous on aimerait bien jouer avec Loadblast. Je te jure, c'est pas possible. Vous avez jamais joué avec eux? Ah, si. Ah, oui. Si, si, sur le PMFF, c'était lequel? C'était sur le 5. Sur le 5, c'était celui de 2013. Loadblast était la tête d'affiche du vendredi soir. Voilà, donc oui, on a joué avec eux. Et puis on aime bien Monsieur Stéphane Buriez et toute son équipe. Alors le titre que je vous propose de découvrir, c'est issu du dernier album qui s'appelle Burial Ground. Et le titre s'appelle... Shooting Torments. Sourcing Torments. Il n'y a pas de Sourcing Torments. J'ai déplacé le H. Sorti en 2014 chez Burial Ground. Non, non, c'est ça, Burial Ground. Non, chez Listenable. Oui, je Listenable. Te dis, c'est sorti chez donc Listenable. Ah, Listenable. D'accord. Oui. Excusez-moi. Le groupe s'est formé donc. Ils sont originaires de Lille. Et ils seront au Rock Your Brain Festival le 4 novembre. Accompagnés de Dagoba, Loadblast. N'importe quoi. De Dagoba, de Crusher et de Post Mortem. Et voilà. De Black Bon. Black Bombay également. Qu'on va écouter Black Bombay, juste après. Black Bombay qui non, seront. Black Bombay. Ah, Black Bombay. Excuse-moi. Qu'on écoute juste après. Juste après Loadblast. Voilà. Hein. Tiré avec... de leur album Comfortable 8. Et le titre, c'est pour toi. Je l'ai choisi pour toi. Zadja. Cette fille est pour toi, mon cher Tom. Ouais. Et on va donner un nouveau label parce que je connaissais pas Verucord. Ouais, Veru, c'est parce qu'ils ont des verrues. Hein, Cord, c'est Vericord. On va saluer Vericord. Voilà, sorti donc en 2015 chez Vericord. Le groupe s'est formé en 1995. Ils nous viennent aussi. Enfin, ils sont estampillés comme étant de Lille, mais bon, on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup à Paris. Moi, je dis que c'est des Lillois parisiens. Ils sont des Parisiens Lillois. Ah, ils sont du Nord. En même temps, Paris-Lille, 2 heures, c'est bon. Ouais. Et nous terminerons cette programmation musicale du premier jour. Du premier jour, vous m'entendez avec... C'est-à-dire demain, du Rock Your Brain. Avec un peu de soleil. Festival. Yes, on l'espère, mais c'est mal barré. Hein. Avec Dagoba qui va nous amener le soleil, eux. Justement, c'est ce hein. que. Je sais que c'est ce que tu voulais dire, mon cher Tom. Puisqu'ils nous viennent de. Marseille. Les Calanques. Qu'est-ce qu'il y a? Le port de Marseille. La pétanque. Oh, la pétanque. Et puis surtout. Et le pastis. Et moi, je tiens à dire. Faire un petit coucou à Dali. Dali, qui était une de mes anciennes collègues et qui est partie à Marseille. Elle nous manque. Elle nous manque beaucoup. C'est tiré de l'album de Dagoba. Donc, pas Dali, hein, mais le morceau qu'on va vous passer. The Tales of the Black Down, qui était sorti en 2015 chez Verucord. Encore, non, Vericord. Vericord. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle. C'est Loss. Exactement. Oh, que tu l'as bien dit celui-là, hein. Et donc, je vous rappelle, l'affiche de ce groupe fantastique Dagobah accompagnera donc Claude Blas, Black Bombay, Post Mortem, et puis Crusher, bien évidemment. Le groupe Dagobah s'est formé en 1997. Voilà. On va vous envoyer dans vos petites oreilles, hein, bien ouvertes, du bruit, de la musique. Et puis, si vous voulez d'abord aussi, il y a peut-être une question quand même. Combien si y a-t-il de groupes sur l'affiche du Rock Your Brain Festival? Les groupes au total, hein, sur les 3 jours. Combien y a-t-il de groupes au total sur l'affiche du Rock Your Brain Festival? On envoie tout de suite la musique, ça va défourailler dans vos oreilles. Attention, Crusher, c'est à toi. expecting strong for luck. Blind in your judgment forever. My better, your pain. Forcing dormants. My better, your pain. So they don't matter. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. T'as vu, ça rime, mon cher Tom. Qui anime comme une pomme. C'était pour la rime, Tom. J'ai pas fait exprès, Tom. Comme une pomme frite, hein? Un peu, non? Non. Tu vois, c'est toi qui vas te faire frite. Hein. Allez, hey, dis-moi, qu'est-ce qu'on entend au fond sonore? Je ne sais pas. Tu crois que ça existe? Bah oui, Alceste. Il y a Mélisandre, Alceste, et puis je sais plus qui c'est. Clitandre. Tu connais pas ça? C'est dans le misanthrope, il me semble qu'il y a ça. Non, je ne sais pas. Non? Ouais, t'as pas beaucoup de culture, toi. Hein. Ah. Non, mais le titre qu'on entend, c'est Kodama. Bien! Et c'est les traits de cette année? Oui, parce que. C'est tout frais? Ouais, c'était Twit qui était venu nous les présenter il y a deux semaines, c'est ça? Hein? Je sais pas. C'est sûr, c'est semaine, qui? Do it? Ouais. C'est. Do it. C'est monsieur. Chris Souzet. Tu connais Chris Souzet? Non. Allez, c'est un sponsor et c'est un partenaire actif quand même du Paris Metal France. Disons-le quand même. Quand même. Assez déconné quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, il faut peut-être revenir sérieux quoi. Tout à fait. Sérieux quoi. Au même titre que Elite Promotion, au même titre que Rocard, au même titre que Le Parisien. Qui sait qu'on a d'autres encore? EMP, Dr. Feelgood. D'ailleurs, au passage, j'ai pas lu encore l'article de Metal Eyes qui vient de sortir. Il vient de sortir, oui. Qui est partenaire également. Exactement. Allez-y, le titre du Parisien, vous saurez des choses, on ne vous en dira pas plus. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, Alceste seront en concert, mon cher Tom. Le 8. Ah. Le 8, c'est donc mardi. Oui. Et tu sais où? Non, mais à Paris. Je vais te le dire rapidement le à temps. À Paris, de... à la Maroquinerie. Voilà. Eh oui. Mais ils seront pas tout seuls. Mais en plus, tu me donnes même pas la. Ils seront pas tout seuls. Ils seront avec qui? Avec Mono. C'est une colonie de vacances ou quoi? Non, mais c'était pas stéréo, c'est Mono. C'est Mono. D'accord. Bon, bah Mono. Avec Alceste. Voilà. À gauche ou à droite, mais vous choisissez, c'est Mono. Et on a dit que c'était à la Maroquinerie. Donc on n'a pas de place à vous faire gagner parce que c'est pas le divan du monde. Hein non, mais ça n'est pas loin. On n'est pas loin, tout à fait. Allez, on va vous passer... Déjà, on va vous rappeler la première journée du Rock Your Brain Festival qui verra en sa tête d'affiche les Loud Blast suivis de Black Bombay. Ben après, je sais pas, tu me dis c'est Loud Blast en tête d'affiche? Ouais. Pas toi? Quand je vois la tête d'affiche, pour moi, c'est Dagobah ou Black Bombay. Ah oui, non, t'as raison. C'est Dagobah. Non, mais t'as raison. C'est Dagobah tête d'affiche. Après, c'est Black Bombay. Non, après, c'est Black Bombay. Ah ouais. Et après, c'est Loud Blast. Ah ouais, d'accord. Ça, pour moi, c'est comme ça. Et après, c'est Crusher. Et après, c'est Post-Mortem. D'ailleurs, je peux te donner le Running Order par rapport à cette soirée-là. Donne-moi ce Running Order. Et suivant le Running Order, pour moi, les mieux placés, non, c'est Loud Blast. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais on commence donc la soirée à 19h30 avec Post-Mortem. On continue à 20h25 Crusher, 21h35 Loud Blast, 22h40 Black Bomb et à minuit Dagobah. Voilà. Ah, et donc c'est à Célesta dans le. Alors c'est pas ce 88, tout à l'heure j'ai dit les Vosges. C'est dans le 67. C'est dans l'Alsace, ouais. Ouais, c'est en Alsace. C'est pour ça que tu me dis les Vosges, j'ai fait ouais. Bon, c'est pas loin en même temps, hein. L'Alsace, les Vosges, tout ça, ça se touche. Hein. Tu vas dire que c'est la Lorraine. Mais c'est donc en Alsace, c'est 76, doit être. Puis c'est quoi? C'est là-haut? À Strasbourg. Strasbourg. Pas loin. Colmar, Strasbourg, ADX, Rickvir, Aubernais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rickersheim, ça finit toujours en Heim, hein, tout souvent. Voilà, donc en tout cas, c'est là-bas. Et nous, on va faire la route des vins, buvez avec modération, mais avec beaucoup d'amis. Nous, on a beaucoup d'amis. Donc, on va aller faire la route des vins, puisque samedi, c'est un day off pour nous. Voilà. C'est cool. Oui, c'est très bien. Tu me ramèneras une bouteille ou deux? On va essayer. On va essayer de ramener un petit vin blanc. Hein. On va voir ça. Tu préfères un peu sucré ou un peu... Ah non. Non, sec. Non, sec. Ramène-moi sec. Pas du vin qui... Non, qui du sec. Plus sec. La tête ah, que tu apprécies. D'accord, du sec. Bon, allez, je vous ai rappelé la fiche du premier jour, donc c'est-à-dire demain. Et maintenant, on va passer au deuxième jour. Encore du... qui va vous faire des trous dans la tête. Avec une affiche qui commence par Inhumate. Enfin, ce soir, on commence par Inhumate. Inhumate, groupe français. Oui, monsieur, groupe français, bien évidemment, qui a sorti son album en autoprod en 2013, l'album qu'on va vous diffuser ce soir, l'extrait qui s'appelle The Traveler, c'est ça, on va voyager un petit peu, sur un album qui est sorti qui s'appelait Expulsed. Hein, on lui suit pas, Tom, on a rien à foutre. Si, je suis, je reviens. Hein, le groupe s'est formé en 1990, en 1990, bien évidemment. Toi, t'es en mode belge, toi. Oui, parce que j'ai passé quand même le week-end dernier en Belgique, une fois. Mmh. Puis après, on a été à Douai, pour deux fois. Et on a vu Drakkar trois fois. Voilà. Mmh. C'était bien, à Manille et à Meaux, tous ceux qui ne sont pas venus, bah, c'est dommage, parce qu'on a fait une super vidéo où tous les groupes étaient sur scène. Bon, il y en a un, c'était son premier concert. Donc, il est arrivé tout jeune et tout ça. Et je crois que la veille, c'était sa première binouze. Mais on avait l'impression que c'était la première binouze dans le concert qui était son premier concert parce qu'il a gerbé partout. Et donc, il en a mis partout. Les gens de la salle devaient être contents tiens, quand ils ont nettoyé. Saligo ! C'est un membre de groupe ou un spectateur ? Non, c'est un spectateur. Hein. Ah. C'est un petit jeune qui, à mon avis, reviendra en concert de métal parce qu'il a certainement passé une magnifique soirée. Voilà. Alors, ça, c'était un aparté. Donc, on va commencer avec Inhumate, comme je vous le disais. Et pour la suite, Inhumate. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'Inhumate ? Mais ils viennent de Strasbourg, bien sûr. Hein, ils viennent de Strasbourg, donc les régionaux de l'étape également, sur cette scène assez death metal, hardcore, et j'en passe, c'est les meilleurs. Analnatrak sera donc le deuxième groupe que l'on vous passera ce soir. Analnatrak qui nous a sorti un album qui s'appelle The Wall of the Law, qui est sorti là récemment, c'était le 28 octobre 2016, chez Metal Blade. Le titre qu'on va vous passer ce soir, mon cher Tom. Depravity favors the blood. Exact. The bold. Hein, Depravity favors the bold. Pourquoi tu veux mettre du sang partout, toi ? Je sais pas. Favor the Blood. Non ! Bon, le groupe s'est formé en 1998. Non, mais j'ai pas la date de vous. Mais je sais que tu l'as pas, c'est moi qui l'ai. Ils nous viennent du. Tu sais pas non plus. Royaume-Uni ! Et là où il y a un loup. Est-ce que tu sais où il y a un loup ? Garou ? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a un loup-garou ? Avant-hier, il y en avait partout. À Birmingham. Le loup de Birmingham, tu connais pas ? Non. Eh ben voilà. C'est au Royaume-Uni, ils nous viennent de Birmingham et ils seront à l'affiche du Rock Your Brain Fest. Bah tiens, donne-nous les heures de passage tiens, pendant qu'on y est. Pour Inhumate, déjà, pour commencer. Inhumate, 19h45, l'heure de l'apéro. Voilà, c'est le premier groupe qui joue ou il y a un groupe non, avant ? Non, ça commence à 17h30. Avec qui ? Avec Casm. Casm. Et il y a un autre groupe après ? Encrowing. À quelle heure ? 19h30. Voilà, donc après. 18h30 plutôt. 18h30. 17h30, 18h30, 19h45. 21h avec Christian. Christian, les Brésiliens. Ça va swinguer, ça va. Non, comment on dit ? Ça va lambader ? Ça se dit ça ? Sorry. On va l'inventer. C'est tout. Avec Christian, donc les Brésiliens qui nous ont sorti un album qui s'appelle Forged in Fury. Alors, tout un programme. Sorti en 2015 chez Century Media. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom, s'appelle... Ways of Barbarism. Exactement. Le groupe s'est formé en 1990 à Porto Alegre. Bah, c'est là où il y a eu... c'était quoi ? C'était les Jeux Olympiques ? Hein ? Récemment. Porto Alegre. Il n'y a pas eu un stade de foot ou un truc comme ça à Porto Alegre ? Ah, peut-être. Hein, ouais, une salle, il me semble. Possible. Ouais, il me semble. Mais tu vas chercher très loin. Là. En tout cas, sachez qu'ils seront au Rock Your Brain Festival. En côté d'affiche avec Dark Funeral. Ouais, mais après t'as Analnatrak, mais j'ai dit déjà. Non, j'en ai oui, pas. Oui, mais eux ils passent à minuit, tu vois. Tête d'affiche. Après, ça dépend. Ouais, ça dépend comment on les passe. Ça dépend aussi comment tu vois une tête d'affiche. Si tu vois une tête d'affiche qui passe à minuit, ou si tu vois qu'une tête d'affiche elle passe aux alentours ouais, de 21h30. Ouais, 21h30, je pense que c'est là hein, les grosses têtes d'affiche en général. Quand oui, les gens sont pas encore tout à fait bourrés. Mais généralement, les têtes d'affiche, il fait passer en dernier, en théorie. Oui, puisque c'est. Mais bon, tête d'affiche du jour alors que tu es le lendemain. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Après minuit, c'est le lendemain quand même. C'est plus tout le jour même. S'il commence à 23h59, c'est encore le jour même. Enfin voilà, tenez pas quand vous voyez les choses, mais bon, moi. Pour moi, une tête d'affiche, ça commence aux alentours de 21h, 21h30. C'est ça. Et donc, après Crisian, nous passerons à... Dark Funeral. Joue à 22h15. Voilà. Et il y a d'autres groupes après eux ? Oui, Anal. Anal Navrak, ah, c'est le dernier groupe. Voilà. Ah, ils ont pas mis dans le même ordre que moi, je les ai mis alors. D'accord, ok. Donc, Dark Funeral, qui nous a sorti un album qui s'appelle Weird Shadows Forever Reign. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir... Mon cher Tom, t'as oublié. Mon cher Tom, bah, c'est vrai que t'es très cher. Hein. Depuis que je t'ai augmenté et que j'ai quadruplé ton salaire, c'est vrai que t'es très cher. Non, mais j'ai demandé à être payé pour un chocolat bientôt. C'est... Alors, mon cher Tom. Unchain my soul. Unchain my soul. Alors nous on fait Rock Your Brain et là c'est Unchain My Soul. Ça rime, c'est bien, ça va avec. Hein. L'album était sorti chez Century Media aussi. Oui, aussi, oui. Le 3 juin 2016 de cette année, le groupe s'est formé en 1993. Ils sont suédois, ils nous viennent de Stockholm. Et ils seront donc à l'affiche du Rock Your Brain Festival de Célesta, près de Strasbourg. On va envoyer la musique, je pense. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'était, t'as parlé du nom de l'album, j'ai pas... Oui, le nom de l'album, je l'ai dit. Le nom de l'album, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, puisqu'il s'agissait... Ah, tu veux que je le répète, parce qu'il est long. C'est Where Shadows Forever Reign. Ouais, puis il est long, puis aussi on peut rappeler qu'on fait gagner des places de concert pour ce festival. Oui, au 06 81 01 c'est pour les 3 jours ou le jour que vous voulez. Parce que vous allez peut-être pas y aller les 3 jours. Hein. Donc le jour que vous voulez, voilà, on fait gagner une place. Celui qui nous envoie. Alors là, il y en a déjà un gagnant. Hein. Il y a déjà un gagnant sur le nombre de groupes qu'il y a à l'affiche. Donc, lui, il gagne plus. C'est terminé. Hein. Lui, il va se coucher. Non, voilà. Il va pas se coucher. Il écoute la radio maintenant. Puis il gagnera peut-être des places pour Paris. On sait pas. On verra. Qu'est-ce qu'on pourrait vous Paris donner Paris, PSG Rennes, ce week-end. Donc, il y a beaucoup de groupes français sur cette affiche. Et quel est la particularité du vendredi par rapport à la particularité du dimanche pour les groupes français? C'est simple, on en a parlé en début d'émission. Puis vous regardez la liste des groupes et puis vous regardez les années. Et pourquoi tu donnes des indices? Parce que j'aime bien. Parce que j'aime pas quand les gens perdent. Tu veux pas donner la réponse directement? Je pourrais la donner. Vous voulez la réponse? Ce sera après la musique. Pour l'instant, on part avec Inhumate, se défoncer la tête. 06 80 01 28 34. Yeah. De retour dans les studios, il est 20h passé de 57 minutes. Et vous êtes il est l'heure de manger. Oui, j'ai vous êtes... faim. Oui, moi aussi. Bah, mange ta main, tu gardes l'autre pour plus tard. D'accord ? Ou pour demain. J'ai besoin des deux mains pour travailler. Qu'est-ce qu'on entend là en fond sonore, s'il te plaît ? J'aimerais bien avoir. Inquisition. Et merci. Ils seront en concert, je suppose. Ah, c'est possible. C'est fort probable. J'adore. Oui, oui, c'est possible. C'est même très... Si tu le dis. Non, c'est très fort probable, très cher Phil. Je n'oserais vous contredire. Samedi ? Non, dimanche. Non, dimanche. Non, parce que samedi, j'ai autre chose à faire samedi. Non, dimanche. Et ils vont prendre le petit bain. Le grand bain ? Non, le petit bain. Ils vont prendre le petit bain de force avec Rotting Christ. Mystifier et Shamash fort. Chez quelqu'un, elle a la bouche pleine et il parle, ou alors elle est portugaise et il dit Shamash bien. Chakamaché aussi. Chakamaché, Shamash bien. Bon. Ça commence à 19h. Exactement, au petit bain, Inquisition, Rotting Christ, Mystifier et Shamash. Histoire de bien finir votre week-end. Oui. Puis si ça, Shamash, mais il n'y a pas de Shamash en ce moment. La mâche, c'est pas la bonne saison. Non, pas trop. Non. Ah, non. Bon, allez, on a écouté quoi, mon cher Tom, juste avant de reprendre cette magnifique antenne du Rock for Show. Si tu savais, on a écouté des choses qui nous dépoussaient les oreilles. Oui, plus oui. Qu'un peu. Des trucs qui sont complètement inhumains. Bah ouais, mais c'est comme ça, Mystery Blue. Non, on a commencé avec Inhumate. Inhumate, excuse-moi, j'étais trop loin. Oh là là, mais il suit rien. Il est pressé d'aller manger, il me donne déjà la suite de demain. Il me donne l'affiche de demain et tout. Bon, allez, Inhumate. Non, le dimanche. Oui. Inhumate, Anal Natrak. Oui, mais en même temps, et non pas matraque, hein. Mais en même temps, ils mettent des H, des K, il y a des partout. C'est ça les Suédois. Chrisium. Non, ils sont anglais en plus. Chrisium, c'est facile à dire. Oui. Et Dark Funeral. Dark Funeral. Hein, d'accord. Voilà. Et bien, nous allons passer la fiche du samedi. Oui. Alors, tu me rappelles l'adresse de ce magnifique endroit de Rock Your Brain Festival. Rock Your Brain Festival, c'est à Célestat. Et c'est, comment te dire, c'est une salle qui s'appelle les Tanzmatem. Tanzmatem. Yes. Et d'accord. Réservation pour ceux qui veulent y aller. Oui. Zone51.net. Voilà. Et nous allons passer à l'affiche du dimanche. Celle qui me préoccupe plus, puisque c'est celle où je vais aller. Celle du dimanche. Hein puisque on vous dira où on sera demain soir. On va vous le dire. Et puis samedi, on vous le dira aussi, mais tout à l'heure. Pour l'instant, on va vous parler donc de dimanche. Dimanche, je serai là-bas donc avec le groupe ADX. ADX, le groupe en trois lettres, avec un AO en tête, un mix en fin et un D au milieu. Ah, mon cher Tom. Je connais pas ce groupe. Tu connais pas, non. J'en ai jamais entendu parler. Ouais, sérieusement. Mais ça, il paraît que c'est un bon groupe. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais l'émission. Ouais. J'en ai jamais entendu parler. Bah, moi non plus. Ah. Mais en tout cas, sache qu'ils seront dans l'Est ce week-end, dans le Nord et dans l'Est, et à l'affiche du Rock Your Brain Festival. Que retrouve-t-on le dimanche, mon cher Tom ? Eh bien, on retrouve Mystery Blue qu'on va vous diffuser tout de suite maintenant. Ah, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure ? Voilà, c'est pour ça que tu m'as parlé de Mystery Blue. Mystery Blue avec sa charmante chanteuse, et qui seront présents au Paris Metal France Festival. Eh oui, allez. Le dimanche également, ça sera. Et ils jouent que le dimanche, hein, de toute façon. Mystery Blue, c'est le dimanche. Donc ils joueront les autres jours de la semaine, c'est repos. Ouais, les autres jours de la semaine, ils se reposent. Ils répètent aussi. Même si c'est pas beau de répéter, ils répètent quand même. Et ils nous proposent donc le dimanche un magnifique spectacle. Un gala. Pour les vieux qui écoutent du métal, c'est un gala. Hein. Mystery Blue qui sont alsaciens, bien entendu. Hein, qui nous viennent de Strasbourg. Ils se sont formés en 1982, donc c'est pas d'hier hein, qu'existe le groupe, mais c'était pas le même line-up à la base hein. Ce que je vous propose de découvrir, c'est un titre tiré de leur album de 2012 qui s'appelle, non je crois que c'est pas de 2012 en plus, Conquer the World. Je suis pas sûr qu'il soit de 2012. On va vérifier. Hein, Conquer the World. On parle de la suite, mais on va vérifier. Ouais. Alors, Conquer the World, sorti chez... Bon, on verra, parce que ça se trouve, c'est pas celui-là. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, si je le retrouve, ça s'appelle Cruel Obsession. Donc, l'obsession cruelle. Donc, tu peux me... Non, tu me... Dans deux secondes, à peu près. Conquer the World. Une, deux... Tu vas vite, mais Conquer the World, c'est bien 2012. C'est bien 2012, donc c'est un titre de l'album Conquer the World de 2012. Et c'est bien le dernier album en date. Hein. C'est bien le dernier album en date, il y en a un qui doit sortir prochainement, je crois. Et c'est sorti chez Roadshow Productions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah rien, à part qu'ils seront à l'affiche de ce magnifique festival qui est le Rock Your Brain Festival. Si vous n'avez pas retenu le nom du festival, c'est que franchement, hein, voilà, on l'aura quand même répété. Bah d'ailleurs, tiens, ça va faire l'objet d'un concours. Combien de fois avons-nous cité Rock Your Brain Festival? Même moi, je ne sais pas. Hein, donc, Rock Your Brain Festival, il va falloir que je m'amuse à regarder, ouais, à écouter. À calculer. Combien j'ai dit Rock Your Brain Festival? Alors, sur cette même affiche du dimanche, on pourra retrouver également Vulcain, Killers, Misanthrope, ADX, bien entendu, et Mystery Blue. Donc après Mystery Blue que l'on vous diffuse ce soir, nous diffuserons Misanthrope. Alors là c'est le titre de la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez. C'était un titre un peu exclusif puisque c'était une reprise de Mylène Farmer, Désenchantée, qui apparaîtra sur une compile en tribute à Mylène Farmer russe. Et c'est Misanthrope bien sûr qui s'y colle. Je trouve que la version elle est tip top. Donc c'est ce qu'on va réécouter. Ouais, on va l'écouter mais cette fois-ci en entier. Sans qu'on parle dessus, donc je pense que vous allez apprécier. Et le nouvel album de Misanthrope sortira en 2017, voilà pour la petite info. Sachez que Misanthrope sera à l'affiche du Paris Metal France Festival également le vendredi. Ils seront aux côtés d'affiche avec Merciless, un groupe alsacien également. Voilà. Le groupe Misanthrope s'est formé en 1989 et ils nous viennent de la région parisienne, plus précisément de la Seine-et-Marne. Et nous terminerons, non, nous terminerons pas, si, non, presque. Nous avons encore deux titres à vous passer puisqu'il s'agira de Killers qui nous avait sorti son magnifique album en 1985 qui s'appelait Le Fils de la Haine. Et je vous propose d'écouter Pense à ton suicide. Et ça, c'est une spéciale dédicace à quelqu'un que j'aime pas. Hein. Donc, on lui fait hein, Pense à ton suicide, gars. Voilà, Killers, donc, qui nous viennent de Bayonne, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils se sont formés en 1984 et ont sorti un an après leur premier album. Et nous terminerons cette plage musicale avec Vulcain qui eux aussi seront à l'affiche du Paris Metal France Festival. C'est bon, t'as fini avec le Paris Metal France Festival? Ah non, je commence. Je peux te dire, vous allez en bouffer, les gars. Et donc Vulcain qui avait fait une promesse, enfin Daniel Puzio ainsi que Marc Varez et Vincent Puzio m'avaient fait une promesse en 2009, comme quoi si le groupe se reformait, il jouerait un jour au Paris Metal France Festival. Et bien c'est là, c'est pour l'affiche de 2017, le 6e Paris Metal France Festival. Vulcain viendra honorer cette affiche en tête d'affiche, bien entendu, du dimanche. Il nous viendra vous jouer quelques extraits de toute leur discographie et notamment de V8, leur dernier album sorti en 2013 chez Desperado Records. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, bah c'est un titre qui colle vraiment à ce que je pensais et à ce que je pense encore aujourd'hui. C'est que Vulcain, c'était dans mes rêves jusqu'à présent et bientôt, ça va devenir réalité pour le PMFF. Donc c'est le titre « Dans mes rêves ». Le groupe s'est formé en 1981. Et ils sont de Paris, voilà, bien évidemment. Et nous les retrouvons à l'affiche du Rock Your Brain Festival. On envoie tout de suite la musique, on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission. Musique.

dans mes rêves, oui mes rêves. De retour dans les studios au doux son de Alter Bridge qui seront en concert mardi, c'est ça le... Là, vite fait, bien fait, tu chantes vachement bien parce qu'on t'a entendu à l'antenne chanter vite, tiens, dans mes rêves. Ouais. Dans mes rêves. Ouais, bah oui, c'était dans mes rêves et maintenant ça va devenir réalité. J'en suis. Merci aux Vulcains parce que c'est vraiment un groupe de potes. C'est un groupe de rock'n'roll qu'on avait reçu il y a en début d'année. Début d'année, ouais. Ouais. Ouais. Et on avait reçu aussi Daniel en fin. Non, c'était le 28 janvier. Oui, c'était bien ça, je te dis en début d'année. Ah, c'est ça. Donc, c'était pour l'hommage à Lemmy un mois après son décès. Voilà, Alter Bridge que vous entendez en fond sonore. Donc le concert, c'est au Zénith le 8 à Paris. Donc voilà. Et nous avons juste le temps de vous rappeler que. Le Rock Your Brain Festival, c'est à partir de demain jusqu'à dimanche et qu'il y aura tout plein de groupes que vous pouvez retrouver sur l'affiche et le site du Rock Your Brain Festival. Zone51.net. Zone51.net pour réserver vos places. Il nous reste juste assez de temps pour vous dire que ADX et Massisteria seront en concert demain soir à Calais. Hein, et voilà, donc les deux groupes s'associent pour vous donner un bon concert. En fait, vous immigrez à Calais, quoi. Exactement, nous on émigre à Calais alors que tous les Calaisiens sont venus à Paris. Alors ADX, bien, on vous propose l'énigme sacrée tirée de leur dernier album Non Serviam que vous allez commencer à connaître par cœur, que chaque semaine il y a au moins un titre. Bon, ça va être la dernière fois hein, parce que c'est les dernières dates de la tournée de 2016. Ça sera la dernière date donc dimanche, donc venez les voir. Et puis après, bah, y aura le Paris Metal France Festival où le groupe jouera 3 soirs de suite, bien évidemment. Puisqu'ils présenteront l'intégralité de leur. Enfin, ils revisiteront en fait l'intégralité de leurs albums studio pour leurs 35 ans. Et donc, il y aura 3 fois un set avec totalement différent. Hein. Les sets sont totalement différents les uns des autres. Et c'est des heures différentes aussi, hein, c'est ça ? Et ce seront des heures différentes également. Oui, ils ne jouent pas à la même heure chaque jour. Et ce sera le 6, le 7 et le 8 janvier. 2017 bien entendu qu'on se réserve. Voilà, donc pour ADX et puis pour Misanthrope, oui parce que ADX sera aussi à l'affiche du Rock Your Brain Festival, mais pour Massisteria, eh bien je vous propose d'écouter le titre L'Enfer des Dieux qu'on avait déjà diffusé hein, dans l'émission mon cher Tom, il me semble à l'époque pour ton best of. Non, il me semble il y a un an. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Hein, oui, pour le best-of, la fameuse émission best-of. Ouais. Et donc, c'est tiré de l'album Matière Noire sorti chez Vericord en 2015. Ils seront donc en concert demain soir à Calais. C'est la salle Gérard Philippe. Voilà, pour les retrouver. Hein, c'est tout. Et puis, on enchaînera directement derrière avec le groupe Silver Stage qui aurait pu être sur l'affiche du Paris Metal France Festival car ils m'ont envoyé un très bon EP 5 titres. Mais bon, voilà, on a eu des impératifs, on a eu des groupes qui se sont désistés, mais on avait déjà promis les places à d'autres groupes. Donc, bah tant pis, mais par contre, on vous les passe dans l'émission Silver Stage avec le titre, mon cher Tom, qui se nomme Chant Live Without. Voilà, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le Rock for Show. Bye bye. Je suis l'homme au milieu du monde, la famille dans une noix, les amis dans la seconde. Je suis l'homme au milieu du monde. on its way.